بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في الدرس الماضي كملنا ما يتعلق بالأسماء الموصولة. ما هي التي زدنا؟ في كل الأسماء الموصولة كنا عجوتي أيون والأل ألف ولم أل في كل شرط لأل أنا ملتي في اسم فاعل أو اسم مفعول. نعم في وصف اسم فاعل واسم مفعول. طيب الموصول اسم موصول يحتاج لماذا؟ سلا إيه؟ عيد. عيد في كل عيد ضمير متبقون للموصول. أيوه يرجع لي عيد سلا اسم فاعل دو عادة يعود سعبيا في اسم موصول. اسم عيد كلنا حنن يجوز حصبه يجوز حذفه. طيب الآن سنكمل المعارف بالمعرف بالأداة. سكي عندي معرفة أصجت أخرى شوز. قال فصل وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بألف واللام وهي قسمان أحدية وجنسية. فهو الاسم المعرف بال سود الكل ال يغطي. ثم ذكر أن ال على قسمين أحدية وجنسية بل نستطيع أن نقول ثلاثة كذلك في ال يعني plutôt on va dire que les deux ال de تعريف sont de deux formes mais ال il y en a d'autres. Par exemple il y a le موصول qu'on a pris. Il y a aussi l'al zaïda. Al zaïda, il y a la titre là, asma al-a'lam. Comme celle que tu vas trouver dans les noms propres comme al-Abbas, al-Hassan, al-Zubayr. Ce al là, là tout fait du ta'arif. Car là-bas, c'est asma al-a'lam, il y a jama al-a'lifa. Il y a zaïda. Ou dans les asma, asma al-ayyam, al-sabt, al-ahad, al-ithnain, al-thulatha, al-arbi'a, al-khamis, al-jumu'a. مثلا لكن التي هي للتعريف هي على قسمين عهدية وجنسية. قال والعهدية إما للعهد الذكري نحو في زجاجة أزجاجة. العهدية هي التي تستخدم لشيء معهود عندك معروف عندك ولا شيء شوز كو تي كوني تو سي كو اون بارل. Et c'est ce dont on parle, dont on parle, tu as des éléments qui t'amènent à savoir de quoi on te parle. Ce qui t'amène à ce que ça vient dans l'esprit tout de suite de quoi on parle. Mathalan, al-ahd al-dhikri, c'est les choses qu'on te rappelle. Comme dans le verset, fi zujajatin azujajatu. Aw fi kulli azza wa jal, arsalna ila fir'auna rasula, fa 'asa fir'auna ar-rasul, fa akhadnahum akhdan wa bila. Wa laqad arsalna ila fir'auna rasula. Pas sur le verset Marouf Al-Muhim dans le verset Allah Azza wa Jal au début il dit qu'il a envoyé un messager à Firaoun. Il est Firaoun Rasoula. Il est quoi? Il est Nakira. Fa'asa Firaoun Ar-Rasoula. Là il est Ma'rifa. Ça veut dire que ce Rasoul que Firaoun à qui il a désobéi est celui qu'on lui a envoyé au début qui est indéfini. C'est le même. Kafia dit l'aïa في زجاجة الزجاجة تمام الزجاجة لا le verbe qui est pas dans le verset c'est le même dans le premier il est cité indéfini de façon indéfinie et après on te le rappelle avec elle l'ahdiya pour te dire c'est le zujaj dont tu as parlé juste avant c'est d'accord اشتريت فرسا وبعد ايام هرب الفرس فهمت هذا j'ai acheté un cheval quelques jours après le cheval s'est enfui. De quel cheval on parle? C'est le même. Enfin, ça, c'est El Ahd Zikri. C'est-à-dire, tu sais de quel cheval on parle. Et comme tu sais de quel cheval on parle, qu'elle était citée auparavant. Mais en Akira. Taïb. Thumma qal, Aou lil Ahd Azini. Taïb, Azini. Maintenant, c'est le Ahd, une chose que tu as déjà à l'esprit. Tout de suite. Kafikul Azawajel, Iz Huma fil Ghar. إذ هما في الغار حينما قص الله عز وجل خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. Tous les deux étaient dans la caverne. Donc là, c'est la caverne Thawr. يعني dans le Coran, lorsque Allah عز وجل en a parlé, El Ghar, El Samir, يعلم أي غاره. Il sait déjà ce de quel ghar on parle. Donc ça c'est Zili, c'est dans sa tête, dans son esprit. La salle Nahnou Fiders, un message qu'on donne qui est wadih, Nahnou Fiders, la salle ثم نقول خلاص جاء الشيخ من هو الشيخ وصدق كيون بارتو فيت تمام عظيم الأهدية لقسمين ذكري وذهني ثم ذكر كذلك الأهدية أو للهاد الحضوري نحو اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم. لا سي الحضور يعني الآن الشيء حاصل الآن ماذا شاهد اليوم اليوم هذا حضوري فهو مهمون صحيح هو مهمون الكلام ثم سي الهادية ثم قال والجنسية هي التي تتعلق بجنس من الأجناس elle englobe toute une nature d'une chose قال إما لتعريف الماهية نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي جعلنا من الماء كل شيء حي ما معنى هنا nous avons fait justement à partir de l'eau de quoi la nature de l'eau toute chose vivante même là donc là الماء هي الجنس الماء et là c'est الماء هي la matière en soi la substance de l'eau هذا تقريبا يعني substance فتقول خلق آدم من تراب أي تراب الماهية ماهية التراب وقال وإما لاستغراق الأفراد هذه كذلك والسابقة أخذناهما في الأصول استغراقية c'est ça qui englobe tous les éléments de cette nature justement نحو وخلق الإنسان ضعيفة وهي التي مثلا معنى هذا خلق الإنسان ضعيفة هي التي تصلح أن يكون مقامها كل والتي يصلح أن يأتي بعدها إلا لا هذا الذي أخذ في الأصول تذكر سنخلق كل إنسان ضعيفة et chaque individu des êtres humains a été créé faible. Ça peut être la nature de l'homme, elle est faible. Et istirlaqiya, marna tous les hommes, un par un, ils sont tous faibles. Elle a été créée faible. Ou al-istirlaq, l'istirlaq, khasa'is et l'afrad. Nahu. Nahu anta ar-rajulu ilma. L'istighraq, pourquoi ? Qui t'amène la chose, comment on dirait en français ? Dites de ce nom. C'est quoi le cas ? Nahu, anta ar-rajulu ilma. Toi, tu es vraiment l'homme de science. C'est-à-dire, tu es l'homme, c'est-à-dire, qui englobe toutes les qualités de l'homme qui a de la science. Hein ? Comme des fois, natakallam, quand tu fais da'wa aux gens, et tu dis, مثلا, El muslim, la yasriq, la yakzib, la yazni, la yarish, autre. Les gens vont dire, mais si, les muslims le font. On dit, non, mais je te parle, le muslim, digne de ce nom d'excellence, le muslim tel que Allah Azza wa Jalla qu'il soit, il ne fait pas ces choses-là. Fahimt? À ce moment-là, tu vises quoi, là? Le muslim tel qu'il doit être. Avec toutes les qualités qu'il doit avoir, et les défauts qu'il a évités. Tu ne vises pas un tel ou un tel ou un tel. Tu vises le muslim, tel que Allah Azza wa Jalla veut qu'il soit. Mais tu dis, anta rajulu ilma. Mais y'a l'homme ilma. Anta rajulu ilma. Tamise. Tamise. Anta rajulu. Après, on s'arrête. Tu dis, il m'a qu'il va apporter, il t'apporte. Face à la carte, ben viens-y, tu es l'homme. Viens-y à proprement dit, par rapport à la science, c'est toi l'homme. Par rapport à la science, c'est toi l'homme. Ça t'a cool, un taradulou, Jamalan. Dans la beauté, c'est toi la référence, Masalan. Fahamt? Un taradulou, Khulukan. Tu es l'homme de référence dans le comportement. S'il n'y a pas de tamis, c'est pas de sens. La phrase peut être complète, mais le tamis vient t'apporter un détail précis. Tu sais vraiment de quoi on parle. C'est ça que moi je te dis, comme un Koutoulak, Ana Atwalu Minka. Ana Atwalu Minka. Comment tu traduirais cela? Taïeb. Là, qu'est-ce qu'on s'imagine? La taille. Maintenant, si je dis Ana Atwalu Minka, Masalan, Rijlan. C'est-à-dire quoi là? Que ma jambe est plus grande que ta jambe. Là, tu apportes quoi? Fasse ça. Tu expliques bien ce que tu veux dire par là. Donc, des fois, sans tamise, la phrase a un sens. Mais peut-être que la personne a un truc précis qu'elle veut dire, et ce tamise-là va appuyer la chose. Ah, ouais. Et des fois, t'en as vraiment besoin. S'il n'y a pas de tamise, la phrase te dit je travaille tout Echeline. Achimah, là. J'ai acheté 20. 20 quoi? L'être sans tamise. Et des fois, t'as des phrases sans le tamise, la phrase elle aura un sens apparent. Mais peut-être que tu n'auras pas compris la phrase comme le mukhatab veut te la faire comprendre. Comme là par exemple, anta ar-rajulu. Moi je dis anta ar-rajulu. Pourquoi toi t'es l'homme? Je veux dire là, ilman en fait. Dans la science, c'est toi la référence. Naam. Qal wa tubdalu lam al miman fi lughat himyar. Huna unas badalu al bi am. Dans une langue, ils disent pas elle, ils disent M. Ils disent elle ou mim. Ils vont dire, Masalan, Anta amrajulu ilman. Il y a un hadith venu qui est daif, quand elle est, Leïsa minembir amsiem fim safar. À la base, c'est Leïsa minembir amsiem fim safar. Le hadith est venu avec M à la place de L. Mais le hadith, mais il y a un Lakin, fi bard l'orat, quand t'ajid M, badalan min lem. كنا لقليل بعد الزمان ما دلت تجد تسمع هذا ثم قال داني كي مع معرفة المضاف إلى واحد من المعارف سكي مضاف الان ذي المعارف فصل وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة فنحو غلامي الغلامي مضاف إلى ماذا تمير غلامك كذلك وغلامه نفس الشيء وغلام زيد اسم علم وغلام هذا وغلام الذي قام الذي قام أبوه وفن وغلام الرجل نعم وقلنا أن المضاف إلى ما أضيف إليه من ربته إلا ألف واللام لا إلا ما أضيف إلى ماذا؟ إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. On l'avait dit au début. Ce que tu as rendu مضاف à un ضمير, ça a le niveau de اسم علم. Et non pas, ça n'a pas le niveau de ضمير. Quand on a dit جاء زيد صاحبك, صاحبك الصفة ne peut pas être أعرف من الموصوف. Ah, j'ai compris aujourd'hui. Ah, tu n'avais pas compris avant? Donc, صاحبك, ça a le même niveau que Zayd. Alors qu'à la base, dans le ta'arif, on dit que le damir, a'raf min al-alam, ça. Mais là, dans les zafa, il n'est pas plus. Il n'est pas plus. Non, a'raf min. Fahada al-ladhi akhadna, fi ma yatalak bi al-ma'arif. On a fini le ma'arif al-akira. Là, on va produire ce mukaddima dans les marfouat. Wa sanabda biha, inshallah, min al-had. Qal al-mu'allifu, rahimahou ta'ala. Bal al-marfouat min al-asma. Précise bien, l'asma, la fal. Al-marfu'at, asharatun. Donc là, déjà, il y en a plus que dans al-mumti'a, dans al-jurumiya. Wa hiya al-fa'il, akhaznahu. Wa al-marfu'lu al-lazi lam yusamma fa'iluhu, akhaznahu. Wa al-mumtada wa khabaruhu, akhaznahuma. Ismu kana wa khawatiha, akhaznaha. Ismu af'al al-mukaraba, hadha jadid. Ismu al-huruf al-mushabbaha bilaysa, hadha jadid. Khabaru inna wa khawatiha, akhaznaha. خبر لا التي لنفي الجنس اخذناها لكن اخذنا في المنصوبات لا من غير parler de ça dans les marfouat التابع للمرفوع هو اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل et tout cela on les a pris également. بعد هذا سيو فصيل واحدا بعد واحد. طيب هذا تمام. فالآن الحمد لله كملنا المعارف. قلنا أولا الضمير, أولا أعرف المعارف والله عز وجل بيجمع, ثم الضمائر, ثم العلم ما يتضمن الاسم والكنية واللقب, ثم اسم الشارة, ثم اسم موصول, ثم المعرف بأل, ثم المضاف إلى هذه الأشياء الخمسة. مفهوم؟ طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.